Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Bonjour tout le monde, bienvenue à On Piste avec Tania Baudin. Vous l'aurez deviné, je suis Tania Baudin. Eh bien oui, je suis la seule animatrice de l'émission. Et le nom de l'émission porte mon nom. Donc vous comprenez que je ne vais pas me nommer tout le temps comme ça. Mais vous êtes en ondes, sur les ondes de C'est fou 89.1 FM pour la prochaine heure avec moi. Donc de 14 à 15 heures, nous allons discuter de courses automobiles comme à chaque mercredi après-midi ou pour ceux qui nous écoutent en rediffusion dimanche après-midi aussi. Pour certains, ils seront peut-être déjà à certains événements que je vais discuter plus tard dans l'émission. Mais qui sait, les rediffusions tombent directement le dimanche. Donc pour certains, c'est possible de les écouter. Et pour les balado-diffusion, eh bien sachez-le, si jamais vous désirez réécouter certaines des émissions qui sont déjà passées, c'est possible de le faire sur le site internet www.assemblagerequis.com et vous avez tout simplement à aller dans la section En piste avec Tania Baudin. Le gentil Mathieu Plante, co-animateur ici, m'a fait une petite place sur le site internet pour remettre les balados de diffusion. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est possible d'aller l'écouter directement sur internet lorsque bon vous semblera. Et sinon, comme je le disais, eh bien, on va passer notre prochaine heure du mercredi ensemble à discuter de courses automobiles. Et comme à chaque semaine, j'aime bien faire un petit peu le plan de l'émission. Qu'est-ce qui va suivre durant la prochaine heure? Eh bien, cette fin de semaine, il y avait un très gros événement du côté de Toronto. Certains d'entre vous y étaient. Je pense que j'ai croisé vraiment beaucoup de monde du Québec qui était là-bas. Ça se passait du côté de Toronto. C'était le Honda Indy Toronto, grande course IndyCar. Et il y avait vraiment beaucoup d'autres séries qui étaient présentes parce qu'on sait, c'est pendant un événement comme ça, c'est bien beau avoir une série maître, mais souvent, on va prendre d'autres séries pour englober la fameuse horaire. Donc, de ce côté-là, on avait plusieurs autres séries qui étaient présentes et plusieurs autres Canadiens aussi qui étaient présents. Non seulement James Hinchcliffe était là du côté de la IndyCar, mais il y avait plusieurs autres séries américaines où il y avait des Canadiens qui faisaient très bon voir. C'était vraiment le fun de voir ces Canadiens-là. Certains étaient jeunes, certains étaient plus vieux. On va en discuter un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces fameux Canadiens-là? Et comme chaque semaine, on va faire un tour du web. Qu'est-ce qui se passe sur les sites Internet qui discutent de courses automobiles, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada ou à l'international? Qu'est-ce qui se passe ces derniers jours sur le web par rapport à notre merveilleux sport qu'on aime tant? Et on va aussi discuter avec le pilote québécois de NASCAR, Kevin Lacroix. On va discuter aussi, entre autres, de son week-end, lui, à Toronto, comment est-ce que ça s'est passé pour sa part, et on va discuter de plusieurs autres choses. Donc, restez avec nous parce que pour la prochaine heure, on va discuter course automobile et comme vous le savez, on adore ça. Eh bien oui, c'est je remets l'intro comme ça à chaque fois que je fais le plan, mais je trouve ça le fun, je trouve que ça fait une espèce de coupure entre le plan et le début de l'émission. Si jamais vous avez d'autres idées, si jamais vous avez des opinions ou des suggestions par rapport à l'émission, encore une fois, je tiens à vous dire que c'est possible de le faire sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Super facile à trouver sur Facebook et il y a plusieurs d'entre vous qui m'écrivez semaine après semaine, après les émissions bien souvent. C'est rare que vous allez interagir avec moi durant l'émission sur la page Facebook, mais sachez que vous pouvez le faire. Si jamais vous désirez écrire quoi que ce soit pendant l'émission sur la page Facebook, je vais automatiquement recevoir une notification. Donc, sachez que vous allez peut-être être mentionné durant l'émission, mais si jamais vous voulez tout simplement être lu après l'émission, il n'y a aucun problème non plus. Allez faire un tour, vous allez pouvoir voir. Je poste souvent quel va être le plan de l'émission aussi. Et plusieurs autres fois, vous allez pouvoir voir peut-être des petits projets spéciaux, quelques surprises aussi parfois. Là, entre autres, je fais allusion à ce que j'ai posté la semaine dernière après l'émission. Je vous avais posé une question dans l'émission de la semaine dernière qui était par rapport au karting, les amateurs de karting, parce qu'on se souvient, on va faire un bref récapitulatif de la semaine dernière. On a discuté un petit peu de la santé du monde du karting, les gros championnats qui se produisent, et je me suis tout simplement posé la question, est-ce que notre karting ici au Québec et au Canada, vous pensez qu'il est en bonne santé? Est-ce que vous pensez que c'est que le sport va bien? Et est-ce que vous pensez qu'on se tire un petit peu dans le pied présentement par rapport à ces fameux gros championnats-là? Et je voulais savoir votre opinion, et je vous disais justement que j'allais vous en parler en ondes parce que la plupart ont répondu après l'émission. Donc j'ai décidé de faire un petit retour là-dessus parce que je trouvais bien intéressant les réponses de certaines personnes. Cynthia Doré nous dit que la publicité des événements est peut-être pas assez suffisante pour le championnat et pour ce qu'on demande en retour. Je vous rappelle, la semaine dernière, on parlait entre autres du prix d'entrée pour aller voir un événement de karting comme celui du championnat de l'Est du Canada, qui est quand même assez dispendieux si on calcule qu'on vient simplement voir une course de karting. C'est pas nécessairement des voitures à pleine performance, comme on le verrait, exemple ici, du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Donc là, on parle vraiment de des jeunes. Oui, c'est certain qu'il y en a qui sont moins jeunes, mais on discutait surtout pour les gens qui veulent y aller en famille. Monsieur, madame, tout le monde qui arrive là avec leurs deux enfants puis qui veulent tout simplement montrer à leurs enfants qu'est-ce que le sport du monde de la course automobile par le karting. Eh bien, si on arrive à un championnat comme celui du ICKC, c'est assez difficile de rentrer en bas de 100$. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'on demande trop pour ce que c'est? Et c'est la question que je vous avais posée. Et Daniel Grenier nous dit que malheureusement, la réalité est que trop peu de médias s'intéressent à la course automobile canadienne, du karting jusqu'à la série NASCAR Pinty's. Il est donc très difficile pour de nombreux pilotes de talent de se faire justice et attirer de bons partenaires. Et ça, c'est pas faux. Je suis tout à fait d'accord avec Daniel Grenier et ce qu'il dit. Daniel Grenier est un homme qui s'y connaît en course automobile aussi, un ami de mon père, mais... Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Pour ce qui est des journalismes, peut-être qu'on se penche moins vers la question du karting, justement. Peut-être que l'on pense encore que c'est un petit peu trop loisir, mais que du côté du karting, on essaie de voir ça vraiment comme une discipline en son genre et qu'on demande un prix comme une discipline autre. Si on allait voir, par exemple, des voitures sur un circuit routier, bien, c'est quelque chose que l'on chargerait aussi à un tel prix. Mais est-ce qu'on voit vraiment les choses de la même façon pour les journalistes et le public général versus ce qui en est demandé et ce qui en est reçu surtout. Alors, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. J'ai aussi posté, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir dernièrement, qui m'ont écrit. L'année dernière, j'avais fait faire des... on a fait faire, en gros, là, pour le Grand Prix de Trois-Rivières, des gilets avec le nom de l'émission En Piste avec Tania Baudin dessus. On m'a demandé si ces fameux gilets-là allaient revenir. Ne vous inquiétez pas, d'ici quelques temps, je vais vous donner plein d'informations par rapport à ça. Je vais pouvoir poster sur la page Facebook qu'est-ce qui va en être, mais il serait disponible lors des deux week-ends du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, restez à l'affût, regardez la page Facebook si ça vous intéresse. Et j'espère que certains d'entre vous vont tout simplement s'en procurer parce que c'est vraiment très le fun de voir les gens porter le gilet de l'émission et d'en faire la publicité. Et voilà. On va commencer l'émission, comme je le disais tout à l'heure, en faisant le retour sur le week-end, sur les résultats de la fin de semaine. Et je tenais à vous dire qu'une grande partie de l'émission aujourd'hui allait justement porter sur le dernier week-end, sur les dernières courses qui se sont déroulées du côté de la Toronto Indy. Je pense qu'on appelle plus ça le Toronto Indy, là. C'est vraiment le Honda Indy Toronto. Mais moi, dans ma tête, depuis que j'ai à peu près 5 ans, ça a toujours été le Toronto Indy. Alors, si durant l'émission, j'appelle ça le Toronto Indy et que pour vous c'est pas correct, je tiens à m'en excuser d'avance. Voilà, c'est dit. Je vais faire un retour sur quelques séries qui étaient là. D'ailleurs, plusieurs séries américaines étaient là, le USF 2000, IndyCar, Indy Light, on avait Pro Mazda aussi, Pro Mazda qu'on a déjà vu ici courser sur la piste du Grand Prix de Trois-Rivières. Il y avait Porsche GT3 canadienne et la série NASCAR Pinty's. Alors, on avait quand même quelques séries qui étaient canadiennes et le reste était américaine. Mais ce qui était très, très le fun à voir, c'est justement, on avait beau avoir ces deux séries canadiennes-là qui étaient la NASCAR et la Porsche GT3, automatiquement, on savait qu'on allait voir des Canadiens dans ces séries-là. Mais ce qui était aussi très plaisant à voir, c'est les Canadiens qui étaient dans les autres séries, c'est-à-dire les séries américaines. Et là, quand je parle de pilotes canadiens qui étaient là, je parle pas de pilotes de Canadiens à un certain âge, par exemple 30-35 ans, où en temps normal, on va penser que ça arrive. T'sais, on va penser que la plupart des pilotes canadiens qui vont se ramasser dans des séries américaines vont être plutôt âgés parce qu'ils vont avoir justement acquis cette espèce de partnership-là avec certaines séries et qu'on va tout simplement avoir eu le temps de pouvoir travailler plusieurs séries américaines. Mais je parle de des pilotes qui sont passés du karting. Par la suite, on fait à peu près 1 ou 2 ans de transition en formule ou dans une autre série et qui sont par la suite passés du côté des séries américaines parce qu'il semble y avoir un développement du côté de la monoplace assez grand du côté des États-Unis, peut-être plus grand qu'ici encore. Ici au Québec et au Canada, on sait qu'il y a la Formule 1600 qui offre cette espèce de tremplin-là pour certains des pilotes qui sont encore jeunes. Par contre, du côté des États-Unis, comme je le disais, du côté de la monoplace, on a USF 2000, Indy Light, Pro Mazda. Ce sont des séries qui attirent quand même beaucoup de gens. Donc, certains Canadiens se sont sentis peut-être interpellés par ça et ont tout simplement décidé de traverser les douanes et d'aller faire de la course du côté des États-Unis. Je pense entre autres à Garrett Grist, Zachary Clamendemello, je pense à Parker Thompson qui vient de la Colombie-Britannique, l'Alberta. Je sais, il va me le dire. Tania, je viens pas de la Colombie-Britannique, je viens de l'Alberta. Ne te trompe plus. Premier, il vient de l'Alberta. Et Parker Thompson, d'ailleurs, qui a super bien performé durant la fin de semaine. On le sait, le tracé de Toronto, c'est quand même un tracé difficile. On va en discuter tout à l'heure, mais Parker Thompson a vraiment réussi à pouvoir agencer sa voiture et son équipe a travaillé très, très fort, justement, à pouvoir mettre la voiture en forme pour qu'il puisse performer à sa plus grande puissance. Et il y avait deux événements durant la fin de semaine. Une première course et une deuxième course, c'est-à-dire samedi et dimanche. Lors de la première course, Parker Thompson a terminé troisième, donc un podium pour le Canadien, parmi quand même 26 pilotes qui étaient là. USF 2000 qui gagne en popularité parce que c'est vraiment la porte d'entrée de ce qui pourrait être le monde de la monoplace du côté des États-Unis. Et Parker Thompson se ramasse présentement avec les résultats de la fin de semaine, le meneur au championnat du USF 2000. Donc, c'est vraiment le fun de voir un Canadien performer comme ça. Un pilote avec, disons-le, une tête sur les épaules, qui sait ce qu'il fait, qui est très, très bon même du côté marketing pour son jeune âge. De le voir mener un championnat comme ça devant plusieurs pilotes de talent, c'est vraiment très le fun. Ça nous représente bien. Et le dimanche, eh bien, Parker Thompson a remporté l'épreuve justement sur le terrain canadien. Et on pouvait sentir vraiment l'excitation dans la voix et dans les yeux de Parker Thompson lorsqu'il est rentré à la salle de presse. C'était vraiment très beau à voir. Il était vraiment très content de gagner chez lui, pas nécessairement en Alberta, là, mais sur le terrain canadien. Il se disait très content de ça. Ça a été une épreuve assez difficile. Justement, les conditions de piste, comme je vous disais, qu'on allait discuter tout à l'heure, aidaient pas nécessairement à pouvoir gagner beaucoup de vitesse en piste. C'est assez difficile sur un circuit urbain comme celui de Toronto de pouvoir dépasser des gens. Donc, du moment que le drapeau vert tombe, c'est vraiment là que la plupart du temps, tout va se donner pour les pilotes. Et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de pouvoir gagner le plus de positions possible. Et comme je disais, eh bien, Parker Thompson a vraiment très bien réussi lors de la deuxième journée. Et c'est un pilote qui gagne à être connu, vraiment. Je pense que d'ici quelques années, on devrait entendre le nom de Parker Thompson un petit peu plus que ce que l'on entend là. Et croisons-nous les doigts, peut-être qu'un jour viendra-t-il finalement courser sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. J'en discutais avec lui et il me disait justement en fin de semaine que c'est un circuit qu'il veut absolument faire dans sa carrière. Mais malheureusement, chaque année, lorsque vient le temps de soit s'inscrire pour le Grand Prix de Trois-Rivières ou tout simplement décider de dealer avec une série pour pouvoir courser là-bas, c'est un conflit d'horaire parce qu'on course déjà dans une autre série. Donc, si on veut rester meneur au championnat, on se doit de faire toutes les épreuves du côté des États-Unis. Alors, c'est ce qui l'empêche un petit peu de venir ici au Grand Prix de Trois-Rivières, mais espérons que d'ici quelques années, ça se fera. Pour le Canadien, Zachary Clamen-Demello, qui est natif de Montréal, malheureusement, le week-end, c'est peut-être pas déroulé comme on l'espérait. Il a été victime de deux accrochages durant la fin de semaine, donc on n'a malheureusement pas terminé les deux épreuves, ce qui fait en sorte que c'est un petit peu décevant. Par contre, Zachary Clamen-Demello, qui est un pilote qui sait très bien comment se rendre à l'avant, comme je le disais, je pense que c'est un petit peu être victime de tout ce qui arrive sur la piste de Toronto. C'est une piste difficile pour plusieurs pilotes. Il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. C'est entouré de murs de béton, un petit peu comme ici. Puis je vous dirais même que le Grand Prix de Trois-Rivières est peut-être un petit peu plus d'échappatoire qu'à Toronto. Donc, de ce côté-là, du moment que quelqu'un va revenir vers nous après avoir, par exemple, touché le mur, comme ce qui s'est passé avec Zachary Clamen-Demello, on est tout simplement victime d'un accrochage en course et malheureusement, on doit abandonner. Alors, ça n'a pas super bien été pour le pilote canadien Zachary Clamen-Demello et le pilote canadien Garrett Grist, qui, lui, était quand même très satisfait de ses résultats. On a terminé en 6e position le dimanche. On a terminé en, si je me souviens bien, 13e position le samedi. Par contre, lorsqu'il est venu le temps de faire une entrevue avec Garrett à Toronto, il nous disait justement, « Tu sais quoi, Tania, je suis très content finalement de mes résultats. C'est une piste très difficile et c'est une nouvelle série pour moi. » Avant, le pilote Gary Gris coursait en Pro Mazda et cette année, c'est sa première année en Indy Light. C'est une nouvelle voiture, c'est de la nouvelle adaptation, bien évidemment. Nouvelle équipe, nouveau changement sur la voiture. Ça ne veut pas nécessairement dire que, vu qu'on roule en monoplace, ça va se conduire exactement pareil. Et c'est ce qu'il m'expliquait. Il dit « Je suis très, très content quand même d'avoir terminé mes deux courses. J'ai pas eu d'incident, j'ai pas eu d'accident non plus, aucun accrochage. Donc, de ce côté-là, sur une piste comme celle de Toronto, le pilote torontois Gary Grist se disait très content des résultats de la fin de semaine. » Alors, tant mieux pour lui. On est super contents. Et comme je vous le disais, il y a d'autres pilotes aussi canadiens qui ont super bien performé. Entre autres, Daniel Murad, qui coursait dans deux séries différentes en Porsche GT3 Cup Canada. Et en NASCAR Pinty's, c'était la première fois que Daniel Murad coursait dans une voiture stock car. Le vendredi matin, il a reçu un appel parce que le pilote en temps habituel, qui est Carlos de Quesada, pouvait malheureusement pas courser à la suite d'une blessure au dos. Alors, Daniel Murad a dû courir chez le médecin, recevoir ses papiers d'acceptation pour pouvoir faire la course du côté de Toronto. Il a rentré dans la voiture, premier essai, deuxième meilleur temps. Par la suite, qualification, s'est classé troisième. Et là, au moment de la course, toute une course. Je crois que c'est vraiment là qu'on a pu voir que certains pilotes s'attendaient pas à ça de Daniel Murad. Certains ne le connaissaient pas et d'autres le connaissaient, mais peut-être pensaient pas qu'il allait pousser la machine autant que ça. Daniel Murad est un pilote qui, bien évidemment, lorsqu'on se ramasse en piste, on veut bien performer. C'est pas parce que c'est une nouvelle série qu'on va tout simplement rouler à l'arrière. Donc, de ce côté-là, Daniel Murad, c'est quelque chose qui met de l'avant. Il dit « Je suis là pour performer. Je suis pas là pour me faire des ennemis, mais je suis pas là pour me faire des amis non plus. Si moi, cette course-là me permet par la suite d'avoir un contrat en NASCAR Pinty's, bien, j'ai donné mon 110% et c'est vraiment ce que l'on a pu voir. J'ai l'impression que Daniel Murad voulait justement peut-être prouver ce qu'il était capable de faire et, oh mon Dieu, il l'a prouvé. Je pense que vraiment, il y a certains pilotes qui ont resté surpris du talent et de l'agressivité, mais de la bonne agressivité. Pensez pas que c'était de la mauvaise agressivité, mais de la bonne agressivité en piste du pilote Daniel Murad. Alors, c'est super bon et j'espère qu'on va le revoir justement sur un autre circuit routier. Oh, toum, toum, toum, suspense. Il y a quelques discussions qui feraient peut-être en sorte que Daniel Murad serait de retour dans la série NASCAR Pinty's du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça reste à voir, mais ça donnerait vraiment tout un spectacle. Du côté de la série Porsche GT3 Cup Canada, bien évidemment, c'est une série canadienne, donc on s'attendait pas vraiment à ce que ce soit une autre personne qu'un Canadien qui monte sur les marches du podium. Par contre, Zachary Robichon a vraiment réussi à se mettre de l'avant cette fin de semaine. C'est pas le premier podium qui réussit à avoir durant la série et durant la saison. Par contre, il a vraiment très bien performé. Il me disait en conférence de presse que justement, À certains endroits sur la piste, on est tellement près des murs qu'on peut sentir la voiture effleurer les murs de béton. Et c'est quelque chose qu'il n'avait pas encore vécu. Zachary Robichon, qui vient du monde du karting, il a fait quelques années en Formule 1600 ici au Canada. Et là, vraiment, on le met dans une voiture fermée. Il dit « Je pensais pas, honnêtement, qu'on pouvait sentir une voiture effleurer un mur de béton comme ça à cette vitesse-là. » Et avoir une si belle course avec, entre autres, Daniel Murad et Scott Hargrove. Il dit « J'ai eu du plaisir. » C'est sûr que du côté mécanique, la piste est très, très difficile pour les voitures. Mais de ce côté-là, il s'est dit très, très satisfait de sa fin de semaine. Alors, on espère encore une fois revoir un si bon spectacle que celui qu'on a eu le droit du côté de Toronto avec toutes ces séries-là très bientôt, que ce soit ici au Grand Prix de Trois-Rivières pour la Porsche GT3 ou le NASCAR ou encore en Formule 1600 parce qu'on le sait ici à Trois-Rivières, la Formule 1600 est une série qui amène vraiment beaucoup de pilotes. Je pense qu'à chaque année, c'est au-dessus d'une vingtaine de pilotes. Alors, j'ai très hâte de voir comment est-ce que nos Canadiens performeront d'ici quelques temps. En fait, quasiment deux, trois semaines pour le Grand Prix de Trois-Rivières. J'ai très hâte de voir ça. Et comme à chaque semaine, eh bien, on va écouter du country parce que j'aime ça. Et on va commencer une pause musicale avec Thacker Beat Hard et la pièce Rock On. On se voit tantôt. hot new single Rock On, climbing up the country top 30 countdown. That guy is going places, folks. Rock On de Tucker Beatheart avec la pièce, ben comme je viens de dire, Rock On. C'est une pièce country que j'aime beaucoup, je trouve. Si jamais vous avez l'occasion d'aller voir le vidéoclip, allez voir ça. Vous écoutez En Piste avec Tania Bourdin jusqu'à 15h. Déjà, on est quasiment rendu à la moitié de l'émission. C'est quand même assez excitant tout ça. Mais comme je vous le dis en début d'émission, on fait quand même une bonne partie aujourd'hui sur le retour de la grosse fin de semaine qui a eu lieu du côté de Toronto. Le Toronto Indy qui était là. Tout à l'heure, je vous parlais de certains pilotes qui ont eu quelques difficultés avec la piste à cause de, justement, certains ajustements qu'ils ont fait sur le terrain de, disons-le, ça s'appelle le Exhibition Place du côté de Toronto. C'est vraiment là où il se passe plusieurs activités. C'est aussi là que certaines équipes de soccer jouent, donc, entre autres, l'Impact. Et justement, ce fameux stade-là a fait en sorte qu'on a dû apporter quelques modifications à la piste, en quelque sorte. On a dû raccourcir, je peux pas vraiment dire étroiter, là, ça se dit pas, mais on a vraiment dû changer la ligne des puits de place, ce qui a fait en sorte que c'était pas nécessairement une piste très, très facile à piloter pour certains pilotes. Et comme je le disais, il y en a qui ont pas du tout adoré. Et certains autres ont tout simplement aimé le challenge que ça a apporté. Parce que bien évidemment, sur une piste de circuit urbain, je pense que la concentration se doit d'être là parce qu'automatiquement, s'il arrive quoi que ce soit, il y a une plus grande de possibilité que l'accident fasse mal que sur un circuit où il y a vraiment beaucoup de dégagement. Donc, de ce côté-là, certains pilotes ont vraiment beaucoup aimé le défi que cette piste-là amenait du côté mécanique, mais aussi du côté, justement, de la concentration et de la conduite de la voiture, parce que sur une piste comme ça, avec les murs qui se rabattent sur eux-mêmes, disons-le comme ça, c'est vraiment très étroit comme piste Toronto. Donc, de ce côté-là, certains pilotes ont tout simplement vraiment beaucoup aimé et d'autres n'ont pas aimé du tout. Il y a eu plusieurs accrochages, plusieurs accidents durant la fin de semaine. Entre autres, en IndyCar, je pense qu'on a démoli comme 3 voitures le vendredi en essai libre. Même chose du côté de la qualification. Plusieurs sorties de piste pour certains pilotes, que ce soit en IndyCar, Indy Light, que ce soit en NASCAR, Pinty's. Alex Labbé a lui-même vécu un accrochage qui a fait quand même assez mal, pas nécessairement du côté physique, mais beaucoup plus du côté esthétique et mécanique de la voiture. Donc, de ce côté-là, on a réussi pour Alex Labbé à remettre la voiture en place, la remettre en forme pour pouvoir prendre le départ le samedi. Mais par contre, je pense que ça l'a vraiment fessé fort du côté de la NASCAR. Et ce sont des voitures qui sont quand même assez larges. Donc, si automatiquement, on met des voitures qui sont larges sur une piste qui est pas mal plus étroite, il y a beaucoup plus de chances que ça s'accroche. Et c'est ce qui s'est passé dans plusieurs cas. Mais je tiens à dire que la piste amène vraiment justement cette espèce de fameux défi-là de concentration où l'on doit justement calculer ce qu'on va faire au départ, ce que l'on va faire rendu dans les coins où on peut justement dépasser quelqu'un. À certains endroits, c'est très, très, très difficile de faire une manœuvre sur un autre pilote. Et certains pilotes ont vraiment été spectaculaires de ce côté-là. Je pense entre autres à Daniel Morad sur Zachary Robichon dans la course de dimanche où vraiment personne, pas même Zach Robichon, pensait que Daniel Morad allait faire le dépassement dans ce tournant-là. C'est quelque chose qui est arrivé et lui-même a fait comme « Oh, il a réussi! » Je pensais pas que ça allait arriver parce que c'est vraiment très, très étroit et de ce côté-là, c'est quelque chose qui est surprenant, que tu sois la personne qui va se faire dépasser ou la personne qui dépasse, automatiquement, il y a une chance à prendre, je dirais. Il y a vraiment une partie de chance sur le circuit de Toronto parce que tu sais jamais comment l'autre va réagir. Automatiquement, dans la course automobile, tu sais jamais vraiment comment l'autre va réagir. Mais je pense que quand on est sur une piste entourée de murs de béton, c'est quelque chose qui vient vraiment plus jouer dans nos têtes lorsqu'on est un pilote. Et de ce côté-là, peut-être que certains sont portés à être plus prudents quand d'autres vont tout simplement se dire « On y va ». Pédale au fond et on verra ce qui arrive de ce côté-là. Certaines personnes, certains pilotes, certains journalistes se posaient la question à savoir est-ce que la piste de Toronto serait peut-être rendue désuète. Il y a plusieurs pilotes qui disaient que la piste était très, très, très bossée. C'était très difficile de contrôler les voitures. Il y avait beaucoup d'ajustements mécaniques qui étaient difficiles à faire parce que la piste changeait beaucoup. Bien évidemment, c'est un circuit de rue, c'est un circuit de ville. C'est en plein cœur du centre-ville de Toronto. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que certaines choses qu'on ne peut pas nécessairement refaire sur un circuit comme celui-là. Par contre, certaines personnes discutaient, entre autres entre pilotes dans la salle de presse, à savoir est-ce qu'ils ne devraient pas repaver le circuit de Toronto pour que ça soit plus lisse. Maintenant, reste à voir si c'est quelque chose qui est possible, reste à voir si c'est quelque chose qui, bien évidemment, ça engendrait des coûts. Est-ce que ces coûts-là en vaut la peine? Je pense qu'avec une série comme la IndyCar et d'autres séries comme la NASCAR Pinty's qui amènent beaucoup de monde, je pense que c'est un investissement qui en vaudrait la peine et je suis certaine que certains pilotes seraient très, très contents de ça. Ça éviterait pas mal de dégâts en piste. J'aimerais aussi souligner l'accueil des gens parce que de mon côté, j'étais du côté de la salle de presse lorsque j'étais à Toronto et j'aimerais vraiment souligner l'accueil des gens qui étaient en salle de presse. Les gens qui travaillaient là étaient vraiment d'un professionnalisme A1. Je sais pas si on peut dire ça en français. Oui, je pense que oui. Numéro un du côté de l'accueil, numéro un du côté du professionnalisme. J'ai rarement vu une salle de presse aussi silencieuse que ça. Et tous les gens étaient vraiment très, très travaillants et très aidants aussi. Alors, salutations à les gens de Torquia Communication qui s'occupaient de la salle de presse du côté de Toronto. Ça a vraiment été magnifique. On va prendre une courte pause. Par la suite, on devrait discuter avec le pilote de NASCAR québécois, Kevin Lacroix. C'est fou. Vous êtes à 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à 6 Foot? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Je vous disais qu'on allait faire une pause musicale et je voulais tout simplement vous dire qu'est-ce qu'elle allait être, cette fameuse pause musicale. Alors, on va écouter du Brett Kissel avec la pièce « Cool With That ». Et au retour, eh bien, on va discuter NASCAR Pinty's. How'd you like to take a ride around? Maybe watch the red sun go down by the railroad tracks. Throw on a t-shirt and blue jeans, or a little sundress, bare feet. Break out the Captain Iced Tea or some Honey Jack. If you're cool with that. Guitar, maybe strike a chord in your heart under a blanket of stars off the beaten path. If you're cool with that, say the word. I'm sitting on the edge of my steps. I'd Chevy got some George Strait blaring on the mixtape. Ready to roll in the road out to White Lake. You're cool with that. toujours en antenne de Cifou 89.1 FM. Vous écoutez En Piste avec Tania Baudin. Et tout à l'heure, je le disais, on est quasiment rendu à la fin. C'est quasiment la fin de l'émission. Une heure, ça passe tellement vite. Et comme je le disais, on passe une bonne partie de l'émission aujourd'hui à discuter de l'événement qui a eu lieu cette fin de semaine du côté de Toronto. C'était le Honda Indy Toronto. Mais il y avait plusieurs autres séries qui étaient là de ce côté de l'Ontario pour performer à pleine puissance sur un circuit qui était quand même assez, assez difficile pour certains et pour d'autres. C'était tout un défi de pouvoir tout simplement garder la concentration. Je vous ai parlé, je vous ai glissé un mot de la série NASCAR Pinty's qui était là en fin de semaine, qui nous ont vraiment donné un super beau spectacle. Il y a plusieurs personnes qui s'attendaient peut-être pas à ce que la série NASCAR Pinty's donne un aussi gros spectacle. Je pense que ça a été une des plus grosses courses de la fin de semaine, si on calcule pas nécessairement la IndyCar. Des dépassements vraiment très serrés, un spectacle qui était hors du commun avec des pilotes qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir en piste. Et je vous disais aussi qu'on allait avoir le pilote québécois Kevin Lacroix qui est au bout du fil avec moi. Kevin, ça va bien? Ça va très bien, toi, Tania? Oui, merci. Kevin, en fin de semaine, justement, c'est un circuit qui était urbain, c'est un circuit routier, mais qui est quand même assez difficile. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, ce fameux circuit-là? Ben, c'est un circuit pour qu'on compare aux autres circuits urbains qui étaient vraiment bosselés puis en même temps très rapides. Donc, c'est beaucoup instable. C'est vraiment, faut avoir la confiance du véhicule à 100% parce que c'est les murs sont prêts puis ça va vite dans tes murs. Donc, c'est tout un défi. Personnellement, j'ai vraiment adoré l'expérience. On a quand même bien performé. Donc, non, honnêtement, c'est un très beau circuit. Je suis content d'avoir participé parce que j'espère que les prochaines années, le circuit de Toronto va être encore sur le calendrier, c'est sûr. Bien, j'espère aussi parce que ça faisait quelques années que la NASCAR n'y était pas retournée. Tu as gagné l'année dernière ici à Trois-Rivières, ce qui est un circuit quand même, on pourrait quasiment le comparer à celui de Toronto. Est-ce que tu as trouvé Toronto plus difficile ou encore est-ce que le challenge est tout à fait différent? Ben, c'est juste différent. Honnêtement, Toronto, c'est seulement que les lignes droites, la ligne droite principale est beaucoup plus longue. Donc, on atteint des vitesses supérieures puis on a un plus gros freinage au bout. Par la suite, le circuit est une deuxième partie qui est encore qui est plus serrée que Trois-Rivières. Donc, on a un peu plus de variété. Mais Trois-Rivières, honnêtement, ce qui est le fun à Trois-Rivières, c'est qu'il y a des endroits qui sont plus serrés, mais d'autres endroits qui sont vraiment dégagés, qu'on peut se permettre un petit peu plus de pousser fort, donc il y a plus d'agressivité dans la course aussi. Donc, les deux amènent un très bon spectacle. Puis quand on pilote, chaque circuit de ville se ressemble un peu, puisque c'est toujours dans les rues de la ville, mais ce qui est le fun, c'est d'avoir un circuit qui est capable d'apporter un spectacle autant aux pilotes que ça nous donne l'opportunité de faire plus de dépassements, puis... Je crois que les deux circuits se ressemblent à ce niveau-là. Il y a tout le temps des chances de dépassement dans pas mal tous les virages. Et tu parlais justement de très bons spectacles. C'est quelque chose que vous nous avez donné du côté de Toronto en fin de semaine. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, cette course-là? Pour nous, ça a été un peu décourageant de faire la course. Je veux dire, on est souvent... Normalement, je serais super content d'une troisième place, mais... ça a été difficile. On savait qu'on manquait de puissance un peu de moteur, mais on n'avait pas pensait pas que ça allait être à ce point-là dans les lignes droites. On perdait beaucoup de temps. Après ça, j'ai travaillé trop fort pour essayer de remonter dans les virages. Donc j'ai brûlé un peu les pneus et les freins de l'auto. Donc ça nous a désavantagés de ce côté-là, mais on est chanceux que sinon l'auto dans les virages allait très bien. Donc pour essayer de compenser la perte de vitesse en ligne droite, mais c'est dur sur le mental d'un pilote de se battre avec des. C'est si on n'a pas les mêmes outils que les autres pilotes pour se battre avec eux, mais je veux dire une troisième place pour les points au championnat, puis juste d'être présent sur le podium, c'est très bon pour l'équipe. Bien, justement, tu discutes du circuit qui était assez difficile, des autres pilotes qui étaient là en piste. Il y a un pilote, entre autres, qui en a surpris plus qu'un en fin de semaine, c'est Daniel Murad, et tu as eu une bonne bataille avec lui durant les derniers tours. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est très bien passé. Honnêtement, je sais que ça fait... C'est une histoire qui fait boule de neige. On dirait que il a été très agressif dans la course. Puis là, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. Moi, je pense que c'est bon pour le spectacle, c'est bon pour notre sport. Puis en même temps, tant qu'il nous sort pas de piste, les autres pilotes ont... Moi, j'ai aucun problème avec ça, que les ailes se touchent un peu. Mais honnêtement, sinon, je veux dire, c'est un... c'est un très bon pilote, je le connaissais depuis longtemps, puis pour moi, il n'y a aucun problème. C'est le fun d'avoir des pilotes avec qui qu'on peut se battre, puis c'est pendant plusieurs tours, plusieurs virages, qu'il n'y en a pas un des deux qui a nécessairement une grosse avantage sur l'autre, qu'on peut se faire des bonnes batailles. C'est le fun pour les pilotes, c'est le fun pour les spectateurs, donc c'est juste positif. Tout à fait. Cette année, tu as changé un petit peu crew chief, tout ça, ça l'a changé. Comment ça se passe du côté de l'équipe? Ça se passe très bien. On avance en tant qu'équipe. C'est sûr que notre nouveau crew chief, il y a des atouts que notre ancien n'avait pas, puis notre ancien avait une expérience certaine que le nouveau n'a pas. On apprend, je crois qu'en moyenne, on est une meilleure équipe. La voiture est un petit peu moins performante sur le circuit routier. Elle est beaucoup plus sur les circuits aval. Donc, je pense que d'un côté, c'est positif en général. Puis, je crois que en tant qu'équipe, on a le potentiel pour apprendre assez rapidement puis corriger toutes ces petites lacunes-là. Puis, je crois qu'on n'est pas loin du but. De toute façon, on est souvent top 5 sur les ovales puis top 3 sur les routiers. Donc, on est pas loin du but. Bien, justement, l'année dernière, tu n'as pas fait nécessairement tout le championnat au complet. Cette année, tu as vraiment décidé d'y aller à fond la caisse. On fait tout le championnat. Comment est-ce que ça se déroule présentement? On a eu une course difficile en début de saison qui a, avec un bruit mécanique, qui a mis frein un peu à nos points au championnat. Mais je veux dire, sinon, c'est vraiment excitant de faire toute la saison. On remonte et là, on est rendu troisième au point. Ça remonte, ça va très bien. Puis c'est vraiment le fun, une série compétitive comme ça, une belle série, une belle organisation qui est NASCAR. Puis je pense que c'est le fun. Nos commanditaires sont tous excités de ça. La série a un nouveau commanditaire qui s'appelle Team Tease qui pousse à fond aussi pour essayer de faire connaître mieux la série, faire un meilleur spectacle. Je pense que tout le monde va dans la bonne direction. Puis je pense que ça va être excitant dans les prochaines années. Cette semaine, vous entamez le fameux voyage vers l'Ouest canadien. Comment est-ce que tu anticipes ce voyage-là, toi? Ben, pour nous, c'est, comme tu l'as dit, c'est notre première année complète. Mm-hmm. Donc, ces deux circuits-là, je les ai jamais faits, moi, personnellement. Puis surtout, c'est pas ma force, les circuits ovales, comme ils sont là-bas. Je pense que c'est de continuer notre apprentissage. Puis, malgré l'apprentissage, depuis le début de l'année, on a des bons résultats. Donc, je pense que c'est pas de me mettre de la pression pour gagner, mais de continuer à apprendre en ayant quand même des bons résultats. Puis, je veux dire, on vise fort pour garder notre troisième ou même monter en deuxième position au championnat, mais surtout pour les années à venir, d'être plus prêt à toutes les courses de s'améliorer puis d'être plus prêt pour les championnats suivants. Et justement, cette fameuse préparation-là à des circuits que tu n'as jamais coursé, c'est pas comme si tu pouvais aller les tester, justement, ils sont à l'autre bout du Canada. Comment est-ce que ça se passe, ta préparation? Ben, c'est ça qui est difficile un peu avec un NASCAR. On n'a pas beaucoup de temps de pratique. On arrive, on a à peu près une heure de pratique, ensuite deux tours de qualification et ensuite c'est la course. Donc, c'est vraiment de profiter au maximum de chaque temps de piste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais aussi, l'autre chose, c'est que les courses sont quand même longues, donc c'est juste de garder la voiture en bon état jusqu'à la fin. Puis à la fin, on a eu comme 300 tours pour apprendre le circuit, donc à la fin, souvent, il y a des neutralisations et des relances. Donc, c'est de profiter de le maximum de l'expérience gagnée dans la course pour maximiser la performance à la fin. Et cette saison-ci, tu en as déjà quelques-uns faits sur des circuits ovales. Je te pose la question comme ça parce que je pense que chaque pilote a peut-être une différence ou un petit bonheur différent. Qu'est-ce que tu apprécies le mieux, circuit routier ou ovale? Ben, c'est sûr qu'on est toujours, on apprécie toujours plus dans quoi on performe le plus, normal, mais de mon côté, c'est le circuit routier, mais je t'avouerais que les deux derniers circuits aval, j'ai vraiment aimé ça, puis même j'avais encore plus hâte au prochain au voyage dans l'Ouest sur les ovales qu'à la course de Toronto, parce que c'est nouveau pour moi, puis je vois qu'on apprend, que je m'améliore beaucoup, puis j'ai hâte de voir la suite, honnêtement, c'est vraiment excitant. Les circuits ovales, c'est totalement différent. Quand on n'a jamais fait ça, si on fait seulement des circuits routiers, c'est sûr qu'on regarde un circuit ovale, c'est vraiment beaucoup plus petit. C'est pas du tout la même chose. Il y en a qui dénigrent ça, on dirait, mais quand un coup qu'on le fait, c'est tellement le fun de toujours être à côté de quelqu'un, d'avoir des batailles aussi serrées. Je pense que c'est vraiment le fun, c'est vraiment plaisant, puis autant pour le spectacle, autant que pour nous dans l'auto. Donc, j'ai vraiment hâte aux prochaines courses. Est-ce que ça se trouve à être un petit peu plus stressant sur un ovale, justement, parce que c'est plus petit? Vous vous retrouvez beaucoup plus rapidement. Est-ce que de ce côté-là, ça amène un stress? Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus stressant. On n'a aucun temps pour relaxer vraiment sur un circuit routier. On peut essayer de relaxer ses yeux, juste d'avoir tout le temps fixé le même endroit, ça donne mal à la tête à un moment donné. Puis, tu sais, sur un circuit ovale, c'est tout le temps ça. On regarde tout le temps le pare-brise exactement au même endroit parce que le circuit est plus petit. On est tout le temps en train de tourner à gauche. Donc, c'est sûr que c'est dur un peu la concentration. Puis aussi, le stress que tout le monde est alentour de toi. Il y en a qui, souvent, on se touche. Donc, c'est encore plus stressant. Sur un circuit routier, on a le temps de se relaxer un peu dans les lignes droites. Donc, c'est deux aspects différents, mais en même temps, on reste sur l'adrénaline beaucoup plus longtemps. Donc, c'est ce qu'on recherche aussi, l'adrénaline. Avec le temps, on dirait qu'on vient plus habitué, puis on essaie tout le temps d'en avoir de plus en plus. Donc, sur les ovales, bon, on n'a pas ce problème-là. Et un circuit routier que je crois que tu apprécies quand même assez bien, c'est celui du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça arrive d'ici quelques semaines. L'année dernière, tu as fini sur la plus haute marche du podium. Comment est-ce que tu vois ça cette année? C'est encore le but, de finir sur la plus haute marche du podium. Mais honnêtement, c'est ça le but à chaque course, mais surtout Trois-Rivières. C'est notre arrêt principal de la saison. C'est notre course que tout le monde veut gagner. C'est comme la plus grosse course de l'année. Honnêtement, je pense que, autant que le circuit est le fun, mais c'est l'atmosphère là-bas qui fait ça que c'est encore plus spécial pour nous. Donc, si on veut bien gagner une course, c'est celle-là qu'on veut gagner. Donc, c'est ça le but. C'est le seul but à Trois-Rivières, c'est de gagner encore. Eh bien, Kevin, on va te souhaiter la meilleure des chances pour le voyage dans l'Ouest canadien. On va suivre ça de très près et on va se retrouver à Trois-Rivières dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et comme il le disait justement, le challenge est différent sur un circuit routier que sur un ovale. C'est quelque chose qu'on va devoir regarder du côté de l'Ouest, comment certains pilotes vont se débrouiller parce que ça va jouer beaucoup au championnat. Kevin, troisième. Si je me souviens bien, c'est Kaden Lapsevich qui est deuxième présentement et Andrew Rangé qui est toujours le meneur. C'est très serré dans les points. On voit souvent les mêmes visages sur le podium. Donc, de ce côté-là, ça ramène le championnat très, très serré. Et ça va être très intéressant lorsque les gars vont se retrouver ici à Trois-Rivières. On fait une courte pause musicale qui va être avec Jason Aldean et au retour, on fait le tour du web et mon Dieu, ça va déjà être le temps de se quitter. Alors, à tout à l'heure! Head girl, riding the lines. Couldn't sing a song without you if I tried. Let's light it up like it's our last night. We're just hanging around, burning it down, sipping on some cold Jack Daniels, get jamming to some old Alabama with your baby laying right here, naked in my bed. I'm just doing my thing. You love it when I sing. Shadows dance and light it up like it's our last chance. We're just hanging around, burning it down, sipping on some cold Jack Daniels, jamming to some old Alabama with your baby laying right here, dreaming in my bed. I'm just doing my thing. You love it when I sing. Saying makes you feel like an angel. Burning it down, burning it down. Burning It Down de Jason Aldean. Et oui, là, c'est le moment de le dire. On est rendu à la fin de l'émission pour vrai. On fait un rapide tour du web. Qu'est-ce qui se passe exactement sur les médias sociaux dans le monde de la course automobile? Eh bien, si on va du côté du magazine poleposition.ca, on nous parle d'un nouveau championnat de rallye qui va commencer à l'automne exactement, ici au Canada. Et les 6 épreuves devraient se retrouver au Québec. Donc, ça va être vraiment très intéressant à voir. On parle de chacune des épreuves qui sera disputée sur une distance de 160 à 200 km. Bien sûr, c'est des étapes chronométrées, ce qui en fait véritablement des parcours de niveau national. Ça va être quelque chose de sanctionné par l'organisme américain NASA Rally Sport. J'ai l'impression que ça va vraiment beaucoup pogner. C'est quelque chose qui revient beaucoup à la mode, le rallye. Et si jamais ça vous intéresse, eh bien, il y a des épreuves de moto, mais aussi de voiture. Donc, ça va être très, très, très le fun à voir. Il va y en avoir du côté de Portneuf, Mackinac, Latuc, Sanerre et dans la ville de Saguenay. On parle ici de l'année 2016-2017. Donc, présentement, j'imagine que si jamais vous voulez trouver des informations ou quoi que ce soit, allez faire un tour sur le site de poleposition.ca. On parle du 12 novembre prochain qu'on va lancer cette fameuse nouvelle série-là. J'ai hâte de voir qui sont les pilotes qui vont participer parce que j'ai vraiment l'impression qu'ici au Québec, on aurait d'excellents pilotes pour ce championnat. Tout à l'heure aussi, je discutais avec vous de ce que j'avais fait du côté de Toronto. Alors, du côté du web, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur le site internet www.flagworld.com. Il y a deux type de reportage différent. Il y en a un en français, il y en a un en anglais, il y en a un qui a été fait par Denis Baudin qui est complètement en français. Vous allez voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé durant tout le week-end. Et du côté de l'anglais, eh bien, c'est vraiment, c'est ma vision. C'est comment est-ce que j'ai vécu le Toronto Indy. Et je pense qu'on parle beaucoup moins de la série IndyCar que les autres séries. Mais de ce côté-là, c'est toujours très intéressant à voir. Et si jamais ça vous intéresse aussi, allez voir le site internet motorsport.com dans la section Québec-Canada. On nous parle du retour de Jeff Gordon dans la série NASCAR Print Cup qui va devoir remplacer Dale Earnhardt Jr. à la suite d'un incident. Donc, pour les deux prochaines épreuves en NASCAR Sprint Cup, ce sera Jeff Gordon. J'ai hâte de voir s'il l'a pas perdu. Tu sais, comme on dit, là. Y a-tu perdu ça ou il l'a gardé? Moi, j'ai l'impression qu'il va en surprendre plusieurs. De toute façon, un pilote professionnel comme Jeff Gordon, du moment que ça retourne dans une voiture, ça veut performer au plus haut de sa forme. Alors, j'ai très, très hâte de voir ça. C'est ce qui fait déjà le tour du web parce qu'évidemment, c'est la fin de l'émission et qu'il n'y a pas des millions de sites Internet. Mais qu'est-ce qui arrive en fin de semaine aussi? Comme je le disais avec Kevin tout à l'heure, la série NASCAR Pinties va être du côté de l'Ouest canadien. Pour les deux prochaines épreuves, donc une samedi et une mercredi prochain. C'est quelque chose qui arrive à chaque année. C'est tout simplement parce que l'horaire se fait mieux comme ça, j'imagine, pour la série. Alors, samedi et mercredi, si jamais ça vous intéresse aussi, samedi, ça va être la rediffusion de la course NASCAR Toronto Indy sur les ondes de TSN. Et du côté de Mont-Tremblant, eh bien, ça va être la classique d'été, vendredi, samedi, dimanche. Et ça, c'est toujours un événement qui est très plaisant à voir. Alors, si jamais vous y allez, laissez-moi de l'information sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Peut-être est-ce qu'on s'y croisera, oui, sûrement, parce que je vais y aller probablement dimanche. Je vais aller faire un petit tour. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde de la course automobile du côté de Mont-Tremblant. Et nous, on se dit déjà à la semaine prochaine, mercredi prochain, et on va se laisser avec une pièce qui s'intitule « Beautiful Drug » de Zach Brown Band. Restez à l'antenne parce qu'à 15h, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Bonne semaine tout le monde! I got a death wish, her looks can kill. She's got a red dress, lipstick and heels. Pull me in, give me hooks like a junkie. Got me feeling so high. You're such a beautiful drug, can't get enough. Addicted and I'm dying for a hit of your love. Got a death wish, baby. Save me lets her head down, and all of my stand up can't help but stare now. Gotta feel that touch, her kiss, my face so sweet. Can't quit, those lips are a habit to me. Sweet intoxication and I'm never getting sober. I can tell that the effects are taking over. Pull me in, give me hooks like a junkie. Got me feeling so high. You're such a beautiful drug. Can't get enough. I'm losing it, baby. Keep driving me crazy, crazy.